clientèle locale, c'est la clientèle quand il y a des foires, tout le monde se réunit ici. Et après, c'était un lieu, les gens venaient le samedi, par exemple, tous les jeunes des environs venaient danser ici. Oui, Pont-Cupry faisait danser, le phono, les disques, et toute la soirée, ils dansaient, voilà. Les disques, donc, on est en quelle année là? Moi, j'étais jeune, dans les années 50-55, ça y était encore. Ah oui, oui, oui. Oui, c'était ça, je me souviens, les années 55. Il y avait un gros haut-parleur, là. Oui, oui, oui. Voilà. Et ça venait de loin, même de Saint-André, ils venaient danser ici. Ah oui, oui, de Saint-André-les-Alpes. Moi, il y a encore des gens qui me le disent, des gens dont des jeunes, donc il y avait encore leurs grands-parents, qui m'ont dit, mon Dieu, mon grand-père me racontait... Il y avait des vélos qui se touchaient jusque là-bas parce qu'ils venaient à vélo, les gens, voilà. Il pouvait pleuvoir, ils en avaient les parapluies. Oui, parce que là, il n'y avait pas ça. Avant le tourne-disque, il y avait une viole. Voilà. C'était la viole. La viole, paraît-il, était dans le coin. D'ailleurs, elle était dans le coin. Moi, ça, je n'ai jamais connu la viole. Moi, j'ai connu que le haut-parleur. Parce qu'à l'époque, on était à la gare. Et bon, nous, on était ravis avec ma soeur, on était petite, de regarder tout ce monde danser. Voilà, c'était notre... Franchement, c'était notre joie. Et on connaissait les machines par cœur, c'est vrai. Mais avant, il y avait la viole. Donc, c'est son grand-père qui faisait tourner la viole et qui les gens dansaient. Et vous savez, à puis l'époque, sa grand-mère, moi, je me souviens toujours parce que j'étais là-bas en face, sa grand-mère, je veux dire, les gens ne se cassaient pas tant la tête pour boire. C'était elle sortait des verres, des verres, on appelait ça des verres à écailles, c'était des jolis verres anciens. Bouteille de bière, bouteille de limonade, qu'elle mettait dans la fontaine dans le jardin, à rafraîchir parce qu'il n'y avait pas de frigidaire. Ouais. Les gens se contentaient d'un verre, un panaché. Et c'était la joie quand on avait bu un panaché. D'ailleurs, je me souviens. Et c'était que ça. Il y avait le monsieur Poilroux, qui avait Poilroux, il y avait un autre, il venait boire le pastis, c'était déjà, enfin, parce qu'on prenait l'eau là-bas de la gare, c'était très fraîche. Voilà, il y avait une source, on prenait l'eau là-bas. Très, très fraîche. Et il fallait qu'on m'envoyait chercher de l'eau, esprit, moi, pour chercher de l'eau, il y avait l'eau courante, mais enfin, là, c'était l'eau fraîche, une autre source. Enfin, il y a toujours le bassin. Moi, je me rappelle, quand ta grand-mère, elle mettait les bouteilles en bas. Ah, oui, après, plus tard, oui. Ta mère, elle mettait les caisses de bière dans la fontaine. Mais on ne parle pas avec des bouteilles. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, je me souviens. Mais moi, je me souviens que pour voir ce pastis, il me faisait aller Coco-Morion et tout, chercher, envoyer, que c'était le petit, là, va me chercher la carafe d'eau fraîche. Ouais,